que l'Afrique de l'Ouest est touchée par une nouvelle flambée épidémique du virus Ebola. Un test de vaccination à grande échelle est en cours avec un candidat vaccin dont l'efficacité serait supérieure à 90%. Il y a eu la première révolution quantique, vous n'y avez peut-être pas compris grand-chose, mais accrochez-vous au siège car voici déjà venir la seconde révolution quantique. Nous allons tout vous expliquer. Et enfin, les alchimistes en rêvent depuis la nuit des temps. Nous vous expliquons tout dans les prochaines minutes. Comment générer de l'or à partir d'autres atomes, un indice, il va falloir avoir recours à une supernova dans votre jardin. Ebola, révolution quantique et fabrique de l'or, c'est le programme précieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour développer cet alléchant programme, ils sont les métaux précieux et rares de la vulgarisation scientifique, constitués eux aussi d'atomes créés dans le cœur des étoiles. Et oui, bonjour Caroline Tour. Bonjour. Chef du pôle santé du magazine Science et Vie. Bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour à tous. Journaliste au magazine La Recherche. Et bonjour Sébastien Carassou. Bonjour, bonjour. De la chaîne YouTube Le Sense of Wonder. Et comme les étoiles qui créent ces métaux précieux, elle fait briller de mille feux l'actualité scientifique la plus brûlante chaque semaine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Journal des sciences. Et pour commencer ce journal des sciences, on revient sur ce rapport publié lundi par l'IPBES sur la chute et l'effondrement de la biodiversité dont nous avons beaucoup entendu parler tout au long de la semaine, Natacha. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle est considérée comme le GIEC de la biodiversité. Alors ce rapport a pour objectif de mesurer l'impact de l'activité humaine sur la nature. 140 scientifiques du monde entier ont été mobilisés. Ils ont synthétisé les données et les analyses recensées par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. En bref, c'est l'étude la plus exhaustive jamais réalisée. Le texte est ferme, l'ampleur de la destruction du vivant est plus grave qu'on pensait. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales recensées, environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. Ce taux d'extinction est sans précédent et il s'accélère. Alors deux choses sortent de ce rapport très clairement. 40% d'espèces d'amphibiens sont menacées, ainsi que 33% des récifs coralliens. Alors les récifs coralliens sont les premiers écosystèmes qui risquent d'être fortement endommagés. Alors dans cette étude, les causes de cet effondrement ont été hiérarchisées et modélisées. Paul Lidley est directeur du laboratoire d'écologie de l'Université Paris-Sud. Il est le principal auteur de ce rapport. On a regardé quels sont les facteurs qui pilotent des pertes de biodiversité. Et on a fait pour la première fois une comparaison de plusieurs modèles de l'impact de ces différentes voies de développement socio-économique sur la biodiversité et sur les services écosystémiques. Bon, il est expliqué surtout par l'augmentation de pression sur la biodiversité, donc l'augmentation de vitesse de changement d'utilisation de terres, la surexploitation comme les surpêches, par l'augmentation de pollution. Donc on a vu l'augmentation, par exemple, par la pollution de plastique et d'autres facteurs comme le changement climatique qui, pour l'instant, aussi augmente. J'ai travaillé sur le chapitre des scénarios en regardant le futur. Et l'un des constats, et c'est si on peut s'arrêter à une augmentation de la température mondiale autour de 2 degrés, les risques liés au changement climatique seul d'extinction est de l'ordre de 5%. Si on arrive à un petit peu plus de 4 degrés, qui est tout à fait possible si on ne respecte pas Paris, on est autour de 16% d'extinction due au changement climatique seul. Et on peut rajouter à ça tout ce qui est lié avec l'utilisation de terres ou la surexploitation des pêcheries. Alors dans ce rapport, on peut aussi lire que pour préserver la nature, les actions gouvernementales bougent. Le nombre de surfaces protégées a augmenté par exemple, mais problème, ces réponses pour minimiser les dégâts ne sont pas suffisantes pour contrecarrer l'augmentation totale des pressions qui pèsent sur l'ensemble de la biodiversité. Le texte fait aussi un autre constat d'échec. En 2010, lors de la Convention sur la diversité biologique d'Aichi au Japon, un plan stratégique a été adopté avec 20 objectifs pour 2020. Sur les 20, seulement 4 ont été respectés. Alors, contrairement au GIEC qui proposait des objectifs clairs pour ralentir le réchauffement climatique, comme ne pas dépasser les 2 degrés, le rapport de l'IPBES reste assez vague sur les solutions concrètes. Il évoque une réforme majeure de l'économie avec des contrôles très forts. Gilles Boeuf est biologiste et professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et société. Pour lui, l'effondrement du vivant n'est pas inéluctable, mais pas sans un changement radical. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on vit? Comment on voyage? Comment on développe en permanence une culture de l'impact? Si je fais ceci, ça va entraîner ceci. Ne faire aucun projet humain sans, a priori, se demander l'impact qu'il aura sur le vivant et la biodiversité. Arrêter d'assécher les mares, arrêter de couper les forêts tropicales, arrêter de surpêcher, arrêter d'empoisonner par une agriculture productiviste qui a tué les sols sur lesquels elle s'exerce. C'est tout ça qu'il faut qu'on fasse, ce qui veut dire qu'il faut qu'on revoie profondément notre économie aujourd'hui. Chaque minute qui passe, elle est inquiétante. Et surtout, arrêtez de dire ce sont nos enfants qui vont faire quelque chose. Il sera trop tard si on passe encore une génération. Hein. Alors justement, les indices s'accumulent depuis des années et pourtant, il n'y a pas de réponse des gouvernements. Regardez même l'accord sur le climat hein, qu'on a obtenu à Paris dans la douleur. C'était pas simple. Hein. Le 12 décembre 2015, 195 pays viennent et promettent de faire quelque chose. Plus de 180 aujourd'hui ont signé l'accord de Paris, mais il y en a 9 qui font le travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument à tous les niveaux qu'on se mette réellement à considérer ceci comme une priorité des priorités, pas quelque chose de secondaire. C'est pas une histoire d'écolo farfelu, hein. Le climat qui change et l'effondrement du vivant. Les gouvernements, ils bougeront quand les citoyens les pousseront à bouger. Hein. Et pour ça, en fait, au niveau économique, pour moi, c'est clair. Hein. Il faut absolument cesser cette économie actuelle suicidaire et stupide qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant. Et puis, ben, pour poursuivre dans cette lignée, c'est aujourd'hui le jour du dépassement pour l'Europe, le jour donc qui indique que nous avons consommé la totalité des ressources que nous pouvons produire pour, en tout cas, l'Union européenne, Natacha. Oui, aujourd'hui, ce vendredi 10 mai, l'Europe a déjà consommé l'ensemble des ressources naturelles renouvelables en un an. Alors, les ONG, hein, The WWF et The Global Footprint Network, ont fait un calcul, hein, un autre calcul. Si le monde entier vivait comme les Européens, il faudrait 2,8 planètes Terre pour survenir à ses besoins. Nous représentons 7% de la population mondiale et l'Europe use 20% de la production biologique globale. À partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'on vit à crédit pour ces 8 prochains mois. Le Parlement britannique a voté un texte qui proclame l'urgence écologique et climatique. L'Angleterre devient le premier pays à déclarer l'urgence climatique comme urgence nationale. Alors c'est surtout une action symbolique car le texte n'a pas de conséquences directes sur la politique. Pour l'instant, pas de nouvelles mesures à l'ordre du jour. Et le gouvernement néo-zélandais a lui présenté une série de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. C'était mercredi dernier. Objectif, neutralité carbone en 2050. Le projet de loi qui n'est pas encore voté planifie une réduction de 10% de la production de méthane d'ici 2024. Le texte prévoit également la création d'une commission sur le changement climatique pour élaborer tous les 5 ans des budgets d'émissions. Pour les Verts et pour Greenpeace, hein, ces objectifs sont impossibles à tenir car le secteur agricole n'est pas concerné par ces mesures et qu'il est responsable d'un tiers des émissions de CO2 du pays. Deuxième sujet de ce journal des sciences, une équipe américaine est parvenue à imprimer en 3D des réseaux vasculaires complexes. C'est une innovation à la une de la revue de Science ce mercredi. Ces derniers mois, les technologies 3D dans le secteur médical font des progrès impressionnants. Il y a quelques semaines, on en parlait ici, une équipe israélienne a réussi à bio-imprimer un prototype de cœur humain à partir de cellules souches. Là, les chercheurs de l'Université de Washington ont recréé la complexité d'un réseau vasculaire. Alors, l'architecture vasculaire, c'est un défi technique. Les systèmes vasculaires varient de quelques centimètres de diamètre à quelques dizaines de microns. Donc le premier défi, c'est celui de la miniaturisation. Ils sont allés jusqu'à réaliser une alvéole pulmonaire avec 2 micro-canaux indépendants qui s'enchevêtrent sans se pénétrer et qui peuvent communiquer entre eux. Ils ont rendu ce système perfusable et optimisé pour la transplantation, et ça, c'est une première. La méthode en question, c'est celle de la photopolymérisation. Un vidéoprojecteur projette des images de 2D en haute résolution sur une solution préhydrogel qui se solidifie au contact de la lumière. Jean-Christophe Friquin est directeur de recherche en bio-ingénierie tissulaire à l'INSERM. Pour lui, il ne s'agit pas de vaisseau vasculaire à proprement parler, mais on s'en approche. C'est un mime de vaisseau, mais qui ne contient pas toutes les composantes biologiques des vaisseaux. Néanmoins, ce qui est extrêmement intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont pu perfuser leur réseau, leurs canaux, qui font entre 500 microns et 1 mm de diamètre, donc ce qui est déjà une prouesse technologique, et surtout ils ont pu faire communiquer les canaux entre eux. Par exemple, ils ont fait circuler des globules rouges dans un canal, et ils ont fait circuler de l'oxygène dans l'autre canal, et ils ont pu mettre en évidence que les globules rouges étaient capables de capter l'oxygène qui circulait dans le canal contigu. Donc ça, c'est une avancée relativement intéressante en termes de modèle perfusable. Ben là, je pense qu'ils ont établi un système qui peut se substituer à des vaisseaux biologiques, d'une certaine façon. Et puis le Graal, en fait, de la vascularisation, c'est vraiment ce système de vascularisation hiérarchisée avec des gros vaisseaux, des petits vaisseaux qui sont capables de recevoir des pressions tout à fait différentes pour alimenter les organes en oxygène et en nutriments. Et ça, je crois que ça reste un grand, grand défi de l'ingénierie tissulaire du 21e siècle. En bref, la NASA va s'entraîner à dévier un astéroïde qui pourrait nous percuter en septembre 2022. La NASA va viser avec des vaisseaux impacteurs l'astéroïde Didymos. Alors par contre, Didymos ne représente aucun danger, c'est vraiment un test. Et le but, c'est surtout de voir comment l'astéroïde va réagir à cet impact et surtout s'il est possible d'en modifier la trajectoire. Selon un rapport sur les menaces informatiques, la France serait le quatrième pays d'où proviennent le plus de cyberattaques sur le trafic mondial. Sur toutes les cyberattaques recensées en 2018, 5% des adresses IP sont situées en France. Ça ne veut pas dire que les hackers sont sur le territoire. En revanche, ça signifie que le réseau Internet français est une plateforme technique de premier plan. La France se trouve derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Et selon ce rapport, la finance et les technologies sont les principales cibles des cyberattaques. Et pour conclure ce journal, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, c'est une étude qui a été publiée dans la revue Nature Human Behavior, et des neuroscientifiques ont montré qu'une zone précise du cerveau s'active chez les joueurs de Pokémon. On l'appelle même la zone Pokémon du cerveau. L'étude a réuni 11 personnes qui avaient joué à ce jeu de façon intensive pendant l'enfance et 11 non-initiés. Ils ont visionné une centaine d'images, des visages, des dessins animés, des animaux. L'activité cérébrale est similaire pour tous, sauf à la vue d'un Pokémon. Les IRM montrent que chez tous les anciens joueurs, une zone cérébrale s'actionne, le sillon temporo-occipital. Les auteurs de l'étude concluent que durant l'enfance, le jeu Pokémon a un impact sur l'organisation du cortex visuel. Voilà, je viens de montrer une image de Pikachu à Sébastien Carassou, ses yeux s'illuminent. Donc vous êtes... Voilà, Sébastien. On a ramené en enfance. Merci beaucoup Natacha pour ce journal des sciences. Peut-être un mot des réactions à ces différents sujets sur cette étude dont on a beaucoup parlé autour de la biodiversité. On s'y attendait, on avait mesuré un peu l'ampleur de ce qui était en train de se produire aujourd'hui, Caroline. On s'y attendait. Les chiffres qui sont dans ce rapport ne sont pas des chiffres qui sont nouveaux, c'est l'effet politique là qui est important. C'est qu'on a l'impression qu'il y a un impact politique en effet. Puis ce qui a été dit aussi par l'intervenant que vous avez eu, c'est l'idée qu'on a pu mettre en place des mesures de protection, mais qu'elles étaient insuffisantes, voire parfois contre-productives. En séparant des espaces dans lesquels les espèces étaient protégées, et puis en installant juste à côté un espace dans lequel l'homme pouvait faire tout ce qui lui plaisait, en fait on a coupé de grands transferts de population, de grands échanges, sans même y penser, sans penser à mal, en se disant on leur réserve une place, elle est suffisante, et on a vraiment joué un contre-jeu sur la biodiversité sans s'en apercevoir. Sylvain ? Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, tous les voyants sont au rouge aujourd'hui pour la biodiversité. Néanmoins, il faut quand même essayer de voir le côté positif de ce genre déjà d'institution, l'IPBES, qu'on appelle souvent le GIEC de la biodiversité. Donc c'est une institution assez récente et on espère que maintenant elle va donc fournir ces rapports où du coup les biologistes s'unissent vraiment à l'échelle internationale pour les produire. Et que justement ces rapports ont un impact sur les politiques, c'est le but, et que cet impact soit associé à celui du GIEC justement, puisqu'il faut aussi éviter dans la suite de ce que disait Caroline les fausses bonnes idées comme par exemple là on pourrait imaginer pour lutter contre le réchauffement climatique cultiver des biocarburants, des agrocarburants, mais ça du coup ça a un impact très négatif sur la biodiversité puisque c'est de l'utilisation des terres agricoles et comme on l'a entendu. L'utilisation des terres, l'exploitation des terres naturelles est le premier facteur qui diminue la biodiversité avant le réchauffement climatique pour l'instant. Et oui, je vous renvoie d'ailleurs, on avait les idées claires de cette semaine, on va vous remettre le lien vers la vidéo de ce petit programme hebdomadaire que j'ai la chance de produire. La question que nous posions à une écologue, est-ce qu'il est trop tard, est-ce qu'il est trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors la réponse c'est non, mais en même temps c'est un vrai non-mais, car il y a vraiment ces questions autour notamment de ce qu'on appelle le tipping point, le point de basculement. L'écosystème climatique est un écosystème très complexe et avec des boucles de rétroaction négatives qui sont effectivement très préoccupantes. Un mot peut-être aussi, Caroline, sur tout ce qui ressort en bio-ingénierie, la bio-impression, le cœur, le réseau vasculaire. On a l'impression qu'on fait des pas très rapides en ce moment dans ce secteur-là et qu'on n'est pas très très loin de pouvoir bio-imprimer des organes, ce qui serait pour le coup une vraie révolution biomédicale dans le domaine des greffes. Vous avez raison, là on est dans une période d'accélération, mais c'est pas la première en fait, il y en a eu plusieurs. On a plutôt l'impression que c'est comme une course à chaque fois avec une sorte de faux départ. On va avoir des super annonces, on a des images qui sont aussi absolument hallucinantes la plupart du temps. On a l'impression que cette fois-ci c'est la bonne, qu'on a recréé un organe des vaisseaux, qu'on peut avoir recréé des organes simples comme une vessie ou des choses comme ça. Le truc c'est que c'est un peu toujours la même chose. La variété cellulaire de ces organes, elle n'est pas exactement la même que celle qu'on trouve dans l'organe naturel. Et donc, si la forme a l'air parfaite, la fonction ne l'est pas. Un organe, c'est une fonction, et là, c'est ce qui a été bien expliqué aussi, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des tuyaux, de les avoir de tailles différentes, qui communiquent les uns avec les autres, c'est très important. Mais des vaisseaux sanguins, c'est aussi poreux, ça laisse passer des choses, ça réagit au métabolisme, ça réagit en permanence à la façon dont notre corps est sollicité ou dont il fonctionne. Tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas mis au point dans un laboratoire quelque chose qui réagit comme ça, en fonction, eh ben on n'y sera pas. Donc on n'y est pas encore, mais il faut avouer quand même que ça va très vite. Là, en ce moment, il y a vraiment une phase d'accélération. D'un point de vue du support, on est dans une phase d'accélération hyper intéressante. Un mot, Sébastien, peut-être sur ce programme de la NASA pour dévier un astéroïde, parce que ça a l'air simple comme ça de se dire si un astéroïde arrive, on lui tire dessus et tout va bien. En fait, c'est des problèmes assez compliqués en termes de. C'est des problèmes assez compliqués parce qu'on ne sait pas exactement. Quelle texture a un astéroïde? Si on balance une bombe nucléaire à la Bruce Willis comme dans Armageddon dans les années 90, ça ne résoudrait probablement pas ce genre de problème parce que ça détruirait l'astéroïde, mais ça créerait plein de petits morceaux qui iraient dans la même direction. Et bah, au lieu d'avoir un gros astéroïde, vous en avez 10 000 plus petits et c'est pas forcément très souhaitable. Donc il y a eu plein de propositions pour pouvoir en tout cas sur le papier, pour pouvoir dévier des astéroïdes. Une que j'aime bien, moi, c'est de peindre des astéroïdes en blanc pour que la lumière se réfléchisse dessus et elle transmette une partie de son élan au mouvement de l'astéroïde. Donc, sur le papier, ça marche très très bien. Reste à peindre un astéroïde en blanc. C'est alors, ça, c'est... il faut envoyer des peintres. Il faut envoyer des peintres de bâtiments d'arbre sous-lits, donc. Dans l'idée. Sylvain Guilbault, un mot sur les astéroïdes, sur la France, terre d'accueil de 5% des hackers mondiaux. Juste sur les astéroïdes, j'avais aussi entendu qu'on pouvait aussi envoyer une sonde avec une voile, donc un écran pour voiler l'astéroïde de la lumière du soleil et donc faire l'effet inverse de le peindre en blanc, l'empêcher d'avoir de la radiation solaire pour éliminer un peu d'effet de pression de radiation et éventuellement changer sa trajectoire. Je pense que c'est aussi science-fiction pour l'instant que de peindre en blanc, mais pourquoi pas. Probablement. À 16h18, bientôt 16h20 d'ailleurs sur France Culture, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Pour commencer, le premier des trois dossiers de cette journée, après l'épidémie de 2014-2016 qui avait fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, une nouvelle poussée de fièvre Ebola en République démocratique du Congo a déjà fait plus de 1000 morts, là début mai, menace de s'étendre d'ailleurs à l'Ouganda, au Nord Kivu. Les autorités sanitaires testent donc à une vitesse record dans les processus de validation d'un traitement, un vaccin qui s'appelle le V920 sur les populations locales, malgré certaines appréhensions et des difficultés socio-culturelles, un vaccin dont l'efficacité serait supérieure à 90%, Caroline Tourbe, mais on est dans de l'expérimentation vraiment très rapide, sur le terrain, un peu à l'improviste. Il y a plein de choses à raconter sur cette histoire de vaccin contre le virus Ebola. Il y a une chose qu'on peut dire déjà, c'est que ça n'a pas été si long, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est donné les moyens de chercher un vaccin qui pourrait pourrait protéger contre ce virus, eh bien, on l'a trouvé. On a eu des hypothèses, on les a testées en laboratoire, on a trouvé assez facilement. C'était pas forcément un problème scientifique, c'était un problème aussi d'application, et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet actuel. On a une épidémie qui est la deuxième plus importante épidémie d'Ebola qui a lieu actuellement. Vous l'avez dit, 1000 morts. Vendredi dernier, le ministre de la Santé de la RDC, République démocratique du Congo, l'annonce. Il estime prudemment qu'il faudra 6 mois au minimum pour venir à bout de cette épidémie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a ce vaccin qui, dès 2005, en laboratoire, a montré qu'il pouvait être efficace pour protéger les primates et qu'il a ensuite été testé, encore une fois, dans un point de vue expérimental sur des personnes saines. On l'a utilisé, on a vu qu'elle fabriquait des protections contre le virus Ebola. Donc, on a l'impression que ça peut fonctionner. Cette fois-ci, il est testé à large échelle, mais d'un point de vue compassionnel, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'il n'est donné qu'aux gens qui sont les plus exposés, qui sont le plus à risque d'avoir, donc de côtoyer quelqu'un qui a le virus Ebola, qui en est mort aussi, et on ne le donne qu'à ces personnes-là pour l'instant, parce que, vous l'avez dit, on est dans une phase de validation, et la maladie, elle va très vite. Quand on est en période épidémique, ce serait compliqué de ne pas donner le vaccin, même s'il n'est pas totalement validé. Le risque est trop important de la maladie par rapport au risque potentiel du vaccin, dont on sait qu'il a quand même, il produit des effets secondaires, mais qui semblent mineurs, avec des douleurs, quelques fièvres, mais rien comparable au risque de souffrir de la maladie Ebola et surtout et d'en mourir. C'est un vaccin thérapeutique, prophylactique? Non, c'est un vaccin prophylactique. C'est le vrai vaccin. C'est celui qui vous permet de vous protéger. Normalement, il serait donc efficace à 90%. Pour autant, on dispose pas de chiffres. Hein. C'est curieux parce qu'ils veulent pas donner de chiffres. C'est un peu curieux. Non, il n'y a rien de curieux là-dedans. C'est-à-dire que c'est d'une complexité sans nom sur le terrain. Il y a un problème de remontée d'informations, de descente et de remontée d'informations. C'est complexe de faire un suivi des gens. Les personnes qui sont vaccinées ne vont pas forcément venir ensuite reconsulter. Les prélèvements sanguins, il y a eu des problèmes de prélèvements sanguins qui se sont perdus, qui se sont égarés. Bref, pour avoir des données, il va falloir encore du temps. On a l'impression quand même que si cette fois l'épidémie est un peu plus contenu, c'est grâce sur le terrain à l'utilisation de ce vaccin, ça semble être le cas. On a aussi les possibilités théoriques, expérimentales, d'évaluer son efficacité, donc on estime que ça pourrait être très efficace, mais on a des questions, il y a des limites. Ce vaccin, il a des limites, d'ores et déjà, on le sait. Il ne protège que contre une seule souche, qui est la souche Zaïre. Alors, bonne nouvelle, c'est que c'est quand même celle qui sévit actuellement, et c'est la principale. Il y en a 4 autres, mais elles fonctionnent plus à bas bruit. Et il est aussi, on ne sait pas s'il est efficace pour les personnes qui sont vulnérables. Typiquement, on ne sait pas si sur les enfants, et sur les femmes enceintes, sur des personnes qui seraient fragiles, qui seraient touchées par d'autres maladies, est-ce qu'on peut le donner? Est-ce qu'il sera efficace? On ne le sait pas. Donc ça, c'est aussi une limite importante. Et puis, vous l'avez dit, sur son efficacité, vraiment, c'est en ce moment que ça se joue. Et c'est à la fois de réussir à le donner. On peut avoir le meilleur vaccin du monde. Si on n'arrive pas à le donner, à l'administrer à la population qui en a besoin, il ne sert à rien. Et puis, une fois qu'on a réussi à mettre en place des grandes phases de tests, avoir les informations, c'est-à-dire avoir des données fiables, validées, scientifiquement vérifiées, ça permettra à l'espèce humaine de se protéger de ce virus qui est quand même particulièrement effrayant. Comment est-ce qu'on arrive du coup à ce chiffre de 90% de protection? C'est une estimation? C'est une estimation sur les modèles animaux? Oui, c'est des estimations. Sur les essais cliniques qui ont été menés. Hein. Donc on a une estimation. Voilà, on peut estimer que dans 90% des cas, on a une protection qui serait efficace contre le virus, contre l'infection par le virus. Et alors ce vaccin, parce qu'il y a différents essais, hein, évidemment, qui sont en cours, mais depuis d'ailleurs les premières épidémies de 1976. Celui-là, pourquoi avoir choisi celui-là? Comment est-ce qu'il fonctionne par rapport aux autres tentatives thérapeutiques qui avaient été menées pour essayer de trouver des remèdes à Ebola? Donc actuellement, il y en a un qui est testé. L'OMS a donné son accord pour qu'il soit testé largement, utilisé de manière compassionnelle. C'est le V920 dont vous parliez. Il y en a 3 autres qui sont également en cours d'élaboration. Si celui-ci a été sélectionné, c'est principalement parce qu'il est valable en une seule injection. Autrement dit, il n'y a pas besoin de faire revenir. Je vous le disais déjà, même rien que pour faire revenir ensuite des patients vaccinés, c'est très compliqué. Donc quand il faut 2 injections, on imagine bien que c'est compliqué. L'un des candidats vaccins, par exemple, c'est le problème. Il faut 2 injections pour qu'il soit efficace. Donc voilà. Et ce vaccin-là, il est aussi facilement fabricable. Il n'est pas très complexe. Il correspond à plein de vaccins actuels. On a simplement pris un bout d'ADN du virus Ebola qui correspond à une petite molécule particules à la surface du virus. Ce petit ADN, il est mis à l'intérieur d'un virus animal qui lui est bénin pour l'homme. Il ne nous provoque pas de maladie chez nous. Le petit virus modifié génétiquement, c'est la base du vaccin. C'est lui qu'on injecte et c'est lui qui provoque une réaction immunitaire, qui fait que quand le virus va entrer en contact avec une personne qui a été vaccinée, eh ben, son organisme est déjà apte à reconnaître cette petite molécule de surface du virus et à le détruire. Qui sont des marqueurs classiques. Voilà, des antigènes. Et à le détruire très rapidement. Donc il est classique, pas si complexe que ça à produire, et une seule injection, c'est tout ça, ce sont des choses à cocher pour que sur la réalité du terrain, on puisse l'utiliser. Oui, parce qu'il y a évidemment on sait qu'il y a une forte composante socioculturelle dans même les épidémies d'Ebola, hein, puisque il y a les rites funéraires et qu'il y a eu beaucoup de résistance de la part de personnes qui vivent un peu éloignées de la civilisation et qui voyaient des médecins arriver, qui étaient très défiants, hein, par rapport. Donc il y a vraiment une composante socioculturelle très importante, et c'est encore le cas pour la vaccination. Et puis il y a quelque chose qui se passe, qui est intéressant, à l'occasion de ces essais sur le vaccin, j'ai l'impression, et dans le papier que Science et Vie publie, on comprend bien ça, c'est qu'il y a un changement de vision, on pourrait avoir l'impression que on vous amène un vaccin, venez, faites-vous vacciner. En fait, c'est complètement idiot de ne pas se mettre à leur place, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont des raisons de craindre, parce qu'elles savent que dans les zones où on soigne les malades, c'est aussi des zones où on peut être infecté, donc elles ont plutôt tendance à ne pas vouloir venir, à refuser d'être diagnostiqué. Donc c'est quelque chose qui peut s'expliquer. Si quelqu'un est malade, il part là-bas, on ne le revoit plus jamais. Parfois, on ne revoit même plus son corps. Donc il y a tout un changement de paradigme qui irait vers plus de transparence. Il y a même des laboratoires ou des sortes d'hôpitaux transparents dans lesquels les patients seraient soignés et où les personnes de leur entourage peuvent voir ce que l'on fait et peuvent comme ça être sûrs qu'on s'occupe et qu'on essaye de traiter les patients. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été pris en compte suffisamment et qui était plutôt vu comme une sorte de bêtise d'ignorance, d'aveuglement volontaire. Alors en y réfléchissant bien et en faisant venir, notamment en convoquant les sciences sociales pour... D'ethnomédecine, exactement. On parle d'approche d'ethnomédicale pour vraiment pouvoir intégrer ces pratiques-là. Alors avec cette ethnomédecine et avec ces pratiques-là, on arrivera, je pense, à venir à bout du virus Ebola. On a une idée aujourd'hui concrètement des effets de ces vaccinations, en tout cas même si elles sont complexes et limitées, sur l'épidémie qui est en cours? Bon, ce qui est dit par les gens qui sont sur le terrain, ceux qui font les rapports de situation, c'est que visiblement, en effet, ça permet de la contenir un peu, mais ça n'est pas suffisant. Hein, ça n'est pas suffisant, notamment à cause de la défiance, notamment parce que ça n'est pas que le vaccin. Le vaccin, il s'inscrit dans un contexte hyper compliqué dont on vient de parler, donc il l'aiderait à contenir, mais il n'est pas la seule solution, et de toute façon, à l'heure actuelle, il ne serait pas la seule solution. Hein. Il faut vraiment continuer à isoler les patients, à isoler les personnes qui ont été en contact avec ces patients. Ce sont des choses qui, pour l'instant, même avec un vaccin candidat, restent indispensables. Il y a des pistes également pour lutter contre Ebola en immunothérapie, manifestement. Oui. Il y a aussi des idées de traitement qui sont également testées actuellement pendant l'épidémie. Parce que là, on parle de prophylaxie, donc avant l'infection. Éviter mais de tomber il y a malade. Évidemment, voilà, il y a évidemment éviter de la recherche de malade, pour des médicaments. Une fois qu'on est infecté. Voilà, exactement. Et là, il y a des pistes avec des médicaments complexes qui pourraient, en effet, agir donc sur l'immunité des personnes qui sont infectées. Ça a l'air de fonctionner. Il y a des antivirus aussi qui sont à l'essai. Ce sont d'autres pistes intéressantes. Ce sera un complément au vaccin. Si ce vaccin est extrêmement efficace et si on peut l'utiliser de façon rapide et organisée, il sera la première barrière. Hein. Ce sera lui qui sera la première barrière, mais c'est reste indispensable évidemment d'avoir des traitements pour les gens qui passent entre les mailles du filet. Quid de scénarios qui inquiètent depuis que l'on connaît Ebola, puisque évidemment c'est une fièvre hémorragique, donc ça marque les esprits, le taux de mortalité est très élevé. Et j'ai lu là en préparant cette émission qu'il y avait encore des inquiétudes, hein, que cette épidémie-là puisse faire un outbreak, c'est-à-dire une sortie du bassin épidémique, et notamment... via les voies aériennes, via le Nord Kivu, aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible encore qu'Ebola sorte de ce bassin d'Afrique de l'Ouest? Bien sûr, c'est ce qui s'était passé entre 2014-2016, la dernière épidémie. C'est ce qui a provoqué un réveil des pays occidentaux et puis des laboratoires aussi qui ont reçu des financements pour la recherche, pour continuer le développement de leur recherche. Oui, ça peut toujours arriver, bien sûr, ça peut toujours arriver. Après, c'est extrêmement contrôlé rapidement dans nos pays. On parlait de la dangerosité du virus. On sait qu'il est à 90%. 90% létal. Il peut être jusqu'à 90% létal, ce virus-là, mais ce n'est pas forcément le cas pour des gens qui reviendraient et seraient soignés dans des pays occidentaux. La médecine les prendrait en charge très rapidement. Donc, oui, c'est toujours possible. C'est toujours possible, bien sûr. Sylvain Guilbeault, un mot. Oui, alors moi je vois ça seulement de loin et Caroline a très bien résumé la situation. Moi ce que je constate, c'est que d'une part, effectivement, c'est une bonne nouvelle déjà de voir que rapidement on arrive à développer un vaccin qui semble être efficace. Bah, bien sûr, il faut être prudent encore à ce stade. Ça laisse quand même réfléchir sur le fait que, effectivement, quelle est l'implication des pays riches, des laboratoires pharmaceutiques pour soigner d'autres pathologies qui touchent majoritairement des pays plus pauvres et qui sont un peu ignorés, un peu laissés de côté parce que finalement, ce n'est pas un marché assez lucratif pour des laboratoires pharmaceutiques ou assez intéressant pour des pays développés. Et l'autre chose qui me marque aussi, c'est que effectivement, c'est une très bonne nouvelle de disposer d'un vaccin contre Ebola, mais on voit bien aussi que ça, à lui seul, ce n'est pas une panacée, ça ne résout pas le problème d'un coup de baguette magique. Et ça montre aussi l'importance d'avoir un système de santé stable dans un pays qui couvre l'ensemble de la population avec des centres de santé, des personnels qui sont formés et surtout des personnels qui sont au contact de la situation, qui sont eux-mêmes issus de cette population, qui la comprennent, qui parlent le même langage qu'eux, qui peuvent leur expliquer ce qu'on fait, qu'imaginer des individus étrangers qui viennent, on peut imaginer avec leur tenue ultra protégée, leur injecter des vaccins. Là, on peut bien sûr comprendre que dans cette situation-là, il y ait des réticences dans une population. Caroline ? Oui, deux choses. La première, c'est que vous avez raison. Et c'est évident qu'un système de santé qui fonctionne, c'est l'alpha, l'oméga quand même, pour qu'un vaccin soit utile et soit protecteur. On le voit avec la rougeole en Ukraine, dont on entend beaucoup parler. Le système de santé s'est écroulé pour des raisons évidemment de guerre sur place. Et puis, on voit ressurgir la maladie, la rougeole. Et pour parler sinon sur le fait que d'autres maladies qui touchent des pays peu développés pourraient bénéficier de vaccins. En fait, il y a un problème, c'est que si d'un point de vue scientifique, Ebola, quelque part, il y a de la chance dans notre malheur, c'est qu'on a réussi à trouver une solution assez rapide. Pour ce qui est du paludisme, par exemple, on tourne autour et avoir un vaccin contre le paludisme il y en a qui sont en train de développer, c'est beaucoup plus compliqué. Le paludisme, c'est provoqué par un parasite, c'est plus compliqué. Pareil, la tuberculose, là, c'est une bactérie, on galère pour trouver le bon vaccin. Donc, c'est pas toujours une histoire d'argent. Pour ce qui est des vaccins, en tout cas, c'est parfois une histoire de connaissances, de science, c'est parfois très compliqué de trouver un vaccin. Pour Ebola, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, on a trouvé un moyen de se protéger. Il reste encore à l'appliquer. Et je vous renvoie à ce vendredi Actu, où je pense que c'est notre camarade Cécile Lestienne qui nous avait parlé justement de cet objectif. Je crois que c'était sur le paludisme zéro et de montrer comment le vaccin, la vaccination. C'était vous, Caroline, ou c'était Cécile? Non, je ne sais plus, c'était Cécile. Montrer pourquoi c'était si compliqué d'arriver à zéro paludisme, parce que c'est des mécanismes biologiques beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles pour atteindre ce fameux paludisme zéro. Hollywood, I've been to Redwood, I searching for a heart of gold, and I'm getting old. Eh bien oui, on aimerait bien garder Neil Young encore 6 minutes 26, mais c'est pas tout ça, on a du boulot aussi. À 16h35 sur France Culture, j'allais dire autre chose. Heart of Gold, puisqu'on en reparlera, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis tout à l'heure, la recette pour fabriquer de l'or grâce à Sébastien Carassou, ce sera dans une petite dizaine de minutes. Mais avant cela, eh bien c'est à la une du magazine La Recherche ce mois-ci, la deuxième révolution quantique. Allons bon, une deuxième révolution quantique, c'est vrai qu'il y en a eu une première, hein, c'était la découverte de la mécanique quantique, la génération de Schrödinger, Heisenberg, Dirac et Bohr. Un siècle plus tard, voici donc venir la seconde, avec principalement, Sylvain à la clé, des applications industrielles, dont certaines sont tout de même encore un peu plus hypothétiques que d'autres. Oui, bien sûr. La raison pour laquelle on a voulu faire ce dossier au magazine La Recherche, il y en a plusieurs. D'une part, c'est vrai qu'on associe souvent la mécanique quantique, la physique quantique, à quelque chose d'un peu abstrait, qui est un peu... Qui s'apparenterait à des délires de physiciens ou des passions de physiciens assez inaccessibles au grand public. Mais le grand public qui lit La Recherche, voilà, qui écoute la méthode scientifique, comprend tout à la mécanique quantique. Et Sylvain, tout. Non seulement on peut comprendre la mécanique quantique, mais en plus ce n'est pas quelque chose qui est complètement en dehors de notre monde, puisqu'après tout la mécanique quantique décrit notre monde lui-même. Il explique d'une part le comportement des atomes, or nous sommes tous, vous et moi, les auditeurs, constitués d'atomes. Donc finalement la mécanique quantique explique notre monde et ses applications, c'est à quoi on peut l'appliquer pour faire des choses qui pourraient être utiles, ce ne sont pas seulement des ordinateurs quantiques qui sont effectivement, comme vous le disiez, un peu lointains dans leurs applications concrètes, mais même si beaucoup de chercheurs et chercheuses y travaillent aujourd'hui. Bien sûr, d'arracher. Mais il y a d'autres applications plus pratiques qui existent déjà, qui sont développées, qui commencent à sortir des laboratoires. C'est un peu ça qu'on désigne sous le terme de seconde révolution quantique. Alors, on peut être plus précis par la suite. Mais donc, et actuellement, il y a une sorte de buzz dans la communauté physique, et même ça a touché les décideurs économiques, puisque pour reprendre l'exemple de l'Union européenne, en fin d'année dernière, a été lancé un flagship européen, donc une initiative de financement de projets de recherche qui vise à financer sur 10 ans à hauteur d'1 milliard d'euros des projets de recherche dans la seconde révolution quantique. Donc effectivement, il y a des ordinateurs quantiques dedans, mais il y a aussi des applications plus concrètes, de la cryptographie quantique. Donc là, ça touchait, dans le journal des sciences, on parlait des attaques Internet. Une manière de mieux se protéger, ça pourrait être par exemple de la cryptographie quantique. Il y a aussi ce qu'on appelle de la mesure de précision, faire des capteurs qui nous permettent de mieux mesurer certaines quantités, voire qui pourraient aider à améliorer des techniques d'analyse biologique, voire de médecine d'imagerie. On en parle dans le magazine La Recherche. Donc ce sont des applications plus pratiques. Alors c'est vrai que tout ça se base sur la physique quantique. Et comme vous le disiez, on parle de seconde révolution quantique, donc il y en a eu une première. Une première qui a d'ailleurs déjà donné lieu à des applications très concrètes dans la vie de tous les jours. Hein. Peut-être vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous allez passer une IRM, ce que je ne vous souhaite pas parce que vous êtes en bonne santé, on utilise la physique quantique. Tout à fait. Et même quand vous utilisez votre ordinateur, un transistor, donc qui sont à la base... Ou votre radio. Ou des microprocesseurs. Incroyable. Des microprocesseurs, voilà, qui fonctionnent dans votre smartphone. Tout ça fonctionne sur des principes quantiques. Donc qui ont été développés lors de cette première révolution quantique, donc effectivement au début du XXe siècle, avec cet emballement dans les années 20, où donc la physique quantique se base sur cette première révolution quantique. Si on la résume à un principe, un peu schématiquement, c'est la dualité onde corpuscule, le fait que en fait les particules de matière, les électrons, les photons, donc les particules de lumière, les atomes, sont certes des grains de lumière ou de matière, mais se comportent aussi comme des ondes. Donc comme on a l'image des vagues à la surface de l'eau, donc des ondes qui peuvent avoir des phénomènes de dispersion, d'interférence. Et cette dualité, le fait que les objets peuvent se comporter de ces deux façons, permet d'une part de comprendre, comme je le disais, le fonctionnement des atomes eux-mêmes, pourquoi les atomes sont stables et ne se désintègrent pas. C'est quand même utile. Et les transistors, ou même les lasers, hein, dans nos lecteurs de DVD ou plein d'autres... outils qu'on utilise tous les jours. Vous utilisez encore des lecteurs de DVD, Sylvain? Pardon. Vous êtes tellement 20e siècle. Vous êtes tellement première révolution. J'avoue que non, mais j'allais vous citer aussi les télécommunications. Par contre, toutes les télécommunications par fibre optique, Internet qui passe par les fibres optiques sous les océans, tout ça, c'est des lasers à semi-conducteurs qui ont été développés. Si on n'avait pas inventé la mécanique quantique, on n'aurait pas pu faire ça. Parlons donc de cette seconde révolution quantique et surtout d'une propriété du monde quantique qui est aujourd'hui énormément exploitée, qu'on cherche en tout cas à exploiter, et qui est d'ailleurs assez complexe à exploiter, comme vous allez nous l'expliquer brillamment dans quelques instants, c'est le concept d'intrication. Oui, effectivement, pour ce dossier dans le magazine La Recherche, on a interrogé Alain Aspect, qui est un physicien donc français qui travaille à l'Institut d'Optique à l'École Polytechnique. Et qui sera à notre micro mardi prochain. Ah bah, vous allez pouvoir, il va vous expliquer tout ça de façon réveillée, parce que c'est vraiment un des spécialistes mondiaux de l'intrication quantique. Dans les années 1980, il a fait vraiment des expériences majeures pour montrer cet effet qui est vraiment, on va dire, une des essences de la physique quantique. Ça consiste à dire qu'en fait, quand deux objets sont intriqués, par exemple quand deux photons, deux particules sont intriquées, eh bien il faut considérer ces deux objets comme un seul système unique. On ne peut pas les considérer comme un photon d'un côté, un photon de l'autre. Quelle que soit leur distance, ils forment un tout unique. C'est-à-dire que si on effectue une mesure, une observation sur une de ces particules, alors l'autre particule sera affectée. Voilà, elles sont intriquées, voilà, entremêlées de façon vraiment inextricable jusqu'à ce qu'on les mesure. Et cette propriété, donc, qui permet d'être, on peut l'exploiter pour le calcul quantique. On imagine que lorsque vous avez faites de l'informatique, un ordinateur comprend un système binaire à base de 0 et de 1. Donc un bit informatique peut prendre une valeur de 0 ou de 1, donc deux valeurs. Un bit quantique, lui, peut être superposé dans toutes les valeurs de 0 et de 1. Mais en plus, si les bits quantiques sont intriqués, si vous avez deux bits quantiques, eh bien, ce bit quantique vit dans un espace de dimension 4, du fait qu'il est intriqué. Et dans un espace de dimension 4, ce bit quantique peut avoir un nombre de valeurs extrêmement important. Et c'est ce potentiel de nombre de valeurs qu'un bit quantique peut prendre, qui est largement supérieur à celui qu'un bit classique peut avoir, qui laisse espérer aux physiciennes et aux physiciens qu'on puisse l'appliquer à des ordinateurs et à donc avoir des capacités de calcul décuplées. Mais il y a une seconde propriété aussi qui est exploitée dans la seconde révolution quantique, outre cette possibilité d'intriquer des systèmes. C'est en fait lors de la seconde moitié du XXe siècle, les chercheuses et les chercheurs ont finalement apprivoisé les systèmes individuels. Puisque avant, certes, au début du XXe siècle, on a compris théoriquement le fonctionnement des atomes, des photons, des particules, on les a découverts vraiment. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, on a réussi à les manipuler individuellement. Et à partir des années 70-80, c'est vraiment ça la grande révolution de la physique. C'est de réussir, par exemple, dans les années 70, à piéger et à observer un seul ion, c'est-à-dire un atome qui a perdu ou gagné des électrons, à réussir à le piéger et à vraiment observer ce qu'on appelle les sauts quantiques. Donc si un ion est excité lorsqu'on lui envoie de l'énergie, eh bien il change d'état quantique. Et ça, on a pu l'observer expérimentalement, on a pu vraiment voir ces effets qui avant paraissaient abstraits. De même, Alain Aspect, dans ses expériences, il vous racontera ça vraiment dans le détail mardi prochain, eh bien, il maîtrisait l'émission de paires de photons à l'échelle individuelle, des paires individuelles de photons. Et c'est vraiment une maîtrise technologique de ces outils-là qui a servi dans les années 70-80 à faire ces découvertes fondamentales, vraiment à apprivoiser les principes de la physique quantique et qui aujourd'hui franchissent les portes des laboratoires dans des applications plus concrètes. Par exemple, ces paires de photons intriquées sur lesquelles travaillait fondamentalement Alain Aspect, aujourd'hui, elles sont commercialisées par des sociétés, on pourrait en citer plusieurs, mais elles sont commercialisées dans des dispositifs que peuvent, par exemple, des banques peuvent acheter, des casinos peuvent acheter, par exemple, pour de la cryptographie. Les casinos, c'est plutôt pour la génération de nombres aléatoires. Oui. Mais ce sont des systèmes assez proches. Mais aussi, on imagine bien sûr que les militaires sont très intéressés par la possibilité de faire de la cryptographie. En un mot, comment on utilise l'intrication? On utilise la comme je vous disais, la propriété que l'intrication, ces deux systèmes à distance se comportent comme un seul. Si on imagine que nous deux, moi et Nicolas, vous et moi, nous partageons une paire de photos intriquées, eh bien, quelle que soit notre distance, eh bien, nous avons cette paire qui nous sert à construire une clé cryptographique. Et si jamais un espion voudrait connaître notre clé secrète et donc mesurer l'un de nos photons, eh bien, ça perturberait le système, et donc à distance, si l'espion capte mon photon et le mesure, on saura que le message a été lu. Instantanément, Nicolas, vous vous en rendrez compte. Voilà, ça c'est le... Nous avons été espionnés. Tout à fait. Mais il y a plein de choses, il y a plein d'applications intéressantes. J'aimerais peut-être que vous nous disiez un mot, alors même si c'est un peu de la science-fiction, néanmoins, il y a tout de même la perspective d'un Internet quantique, avec déjà des réseaux et une expérimentation en Chine, entre Pékin et Shanghai. Alors ça rencontre plein d'obstacles techniques, mais c'est tout de même assez passionnant. Oui, l'objectif c'est effectivement parce que une des limites à la cryptographie quantique que je vous expliquais à l'heure actuelle, c'est que si on veut la lumière, c'est très utilisé dans les télécommunications parce que ça se propage à une très grande vitesse, la vitesse maximum autorisée par la théorie de la relativité, par la physique, voilà tout simplement. Mais ça se propage dans des fibres optiques et il y a de l'atténuation dans les fibres optiques. La lumière perd peu à peu de sa puissance et donc dans les télécommunications quantique, ça pose un problème puisqu'on ne peut pas amplifier la lumière tout en gardant ses propriétés quantiques. Et donc au bout d'une centaine de kilomètres, on perd ses propriétés, déjà on perd la puissance du signal, on perd ses propriétés d'intrication. Donc si on veut faire des réseaux à grande échelle, il faudrait développer ce qu'on appelle des répéteurs quantiques qui permettent de répéter le signal tout en conservant ses propriétés quantiques. Et ça n'existe pas à l'heure actuelle. Effectivement, on interroge Stéphanie Venner qui travaille aux Pays-Bas sur cette question, qui a obtenu un financement du flagship européen que je mentionnais en introduction et qui donc essaye notamment de développer des répéteurs quantiques qui permettraient d'étendre des réseaux pour faire en particulier de la cryptographie quantique, vraiment à l'échelle de plusieurs pays. Effectivement, il existe aujourd'hui une ligne entre Pékin et Shanghai, donc 2000 km en Chine, qui fait effectivement qui transmet un signal quantique, mais en fait, la ligne n'est pas quantique de bout en bout, puisqu'ils n'ont pas de répéteur quantique. Et en fait, ils ont des îlots, ils ont une soixantaine d'îlots entre Pékin et Shanghai, où en fait, ils font des manipulations, le signal repasse par un état classique avant d'être transformé en état quantique, donc la sécurité n'est pas assurée de bout en bout. Et donc ça, c'est vraiment une frontière à l'heure actuelle sur ces réseaux. Mais il y a des applications plus concrètes, comme je le disais, pour faire aussi des capteurs quantiques à l'heure actuelle, en particulier pour le champ magnétique. On fait un article pour détailler comment ça marche exactement, mais l'idée, je vous parlais d'atomes, de particules qui existent, mais en fait ce qui est encore plus passionnant, c'est que on a identifié des systèmes dans la matière solide, parce que on sait aujourd'hui, effectivement, les physiciennes et les physiciens savent manipuler des atomes, mais on sait aujourd'hui manipuler des systèmes qui se comportent comme des atomes artificiels, mais qui sont imbriqués dans la matière solide, en particulier dans des cristaux de diamants, qu'on peut produire très facilement, qui sont beaucoup plus faciles à manipuler, puisque contrairement à des atomes, on n'a pas besoin de chambre à vide pour les manipuler. Et donc avec ça, on peut faire des capteurs à champ magnétique qui aujourd'hui commencent vraiment à sortir des laboratoires. Voilà, c'est à lire la deuxième révolution quantique dans le numéro de la recherche de ce mois-ci. Et si vous aviez une caméra pour voir ce qui se passe dans le studio, Caroline Tourbe est en train de réviser sa physique quantique pendant la présentation de Sylvain. C'est la une de Science et Vie. C'est aussi la une de Science et Vie. Au-delà du quantique. Voilà, de la mécanique quantique partout. Vous êtes au-delà. Mais nous, on sera dedans mardi, donc avec Alain Aspect, on parlera précisément d'intrication quantique. Et vous allez voir, on va se faire plein de nœuds au cerveau, ça va être hyper chouette. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h50 sur France Culture et dans la méthode scientifique, on parlait de diamants à l'instant. Et bien maintenant, nous allons parler encore de matières précieuses, d'or, de platine. C'est le moment où vous prenez donc votre cahier de notes, un crayon, un papier, une gomme. Puisque comme promis depuis le début de cette émission, nous allons maintenant aborder de façon très pratique, très pragmatique, la synthèse de l'or à partir d'autres éléments. Alors attention à ne pas reproduire toutes les expériences dont il va être question chez vous, ou d'employer une supernova à proximité d'animaux ou d'enfants au bas âge, Sébastien Carras, ça peut être dangereux. Oui, c'est pas très conseillé, hein. Beaucoup s'y sont frottés, mais peu ont réussi. Ils ne sont plus là pour en témoigner en tout cas. Donc voilà, l'histoire c'est que deux astrophysiciens américains, donc Imre Bartos et Slavoj Marka, ont publié cette semaine dans la revue Nature une étude qui concerne l'origine de l'or sur Terre. Alors, ils ont simulé l'évolution simplifiée de notre voisinage interstellaire à l'époque de la formation de notre système solaire, et ils ont réalisé plein de scénarios différents pour trouver le processus qui reproduit au mieux les abondances de pas mal d'éléments lourds qu'on observe dans le système solaire, comme l'or, le platine, etc., ou encore certains éléments radioactifs comme l'uranium et le plutonium. Et selon cette étude, le scénario le plus probable, il est assez insolite, c'est que 80 millions d'années avant la formation du système solaire, deux étoiles à neutrons, donc des cadavres d'étoiles massives, qui sont des restes des étoiles massives après leur mort. Supermassives même, oui. Supermassives, donc de 9 à 25 fois la masse du Soleil. Donc ces étoiles à neutrons sont entrées en collision à 1000 années-lumière d'ici. Et les débris de cette collision ont forgé une bonne partie des éléments lourds qu'on retrouve sur Terre. Donc c'est quand même un résultat assez intéressant. C'est assez intéressant. Ce qu'il faut peut-être expliquer, Sébastien, c'est que en fait, la nucléosynthèse classique, c'est-à-dire dans les étoiles, il y a un moment donné où il y a une ligne de stop. C'est-à-dire que ça va jusqu'au, on peut former des éléments jusqu'au fer, mais après le fer, ça s'arrête brutalement. Tout à fait. On va remettre le tableau périodique des éléments sur le fil Twitter de l'émission avec la méthode FC. Non, parce que comme ça, on voit bien à quel moment ça s'arrête et qu'est-ce qui se passe pour tous les éléments qui sont après, parce qu'il y en a quand même une tripotée. Tout à fait, parce que le fer, en fait, c'est l'élément le plus stable de l'univers. Il va pas se laisser fusionner comme ça en des éléments plus lourds. Du coup, pour forger des éléments plus lourds que l'or, plus lourds que le fer, il faut avoir recours à des autres processus. À des niveaux d'énergie beaucoup plus forts. Énergies beaucoup plus fortes. Mmh. Notamment, pour forger des éléments lourds comme l'or ou le platine, la recette, c'est ce qu'on appelle la capture rapide de neutrons. Alors, la capture rapide de neutrons, c'est très simple, c'est que vous balancez énormément de neutrons sur un noyau d'atomes pendant un temps extrêmement court, donc en moins d'une seconde, et ces neutrons vont finir par se transformer en protons dans le noyau, et vous allez avoir la création d'un nouvel élément. Parce que c'est le nombre de protons dans le noyau d'un atome qui détermine de quel élément chimique il s'agit. Et la capture rapide de neutrons, c'est un processus assez particulier, hein, parce que non seulement ça requiert des températures supérieures à 1 milliard de degrés, et puis comme son nom l'indique, c'est censé être un processus ultra rapide, donc qui a lieu en moins d'une seconde. Donc pour les astrophysiciens, l'enjeu, c'est à partir de là, c'est de trouver dans l'univers des événements qui peuvent porter la matière à 1 milliard de degrés en moins d'une seconde. Et ces événements, il n'y en a pas 10 000, il y en a deux. Donc d'un côté, on a les supernovae, qui sont des explosions d'étoiles massives. Et ces explosions, elles sont tellement violentes qu'elles sont plus brillantes qu'une galaxie entière pendant quelques jours. Et de l'autre côté, vous avez les collisions d'étoiles à neutrons. Et donc les collisions d'étoiles à neutrons, il se trouve que c'est des événements extrêmement rares dans notre galaxie. Il s'en produit quelques-unes par millions d'années dans notre galaxie, alors que les supernovae, ils en produisent un ou deux par siècle. Donc il y en a beaucoup plus. Par contre, lors d'une supernova, on produit beaucoup moins d'éléments lourds qu'une collision d'étoiles à neutrons, en termes de masse d'éléments lourds créés. C'est-à-dire combien, c'est quoi les proportions par exemple? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais... Je crois, si j'ai bien tout compris, que... Non mais pour donner une idée de la quantité de matière qui est produite, c'est plusieurs fois Jupiter... On est sur du 10 puissance 21 kilos, je crois, lors d'une collision d'étoiles à neutrons. Alors, il y a eu des modèles récents qui ont été publiés en 2018 qui ont prédit qu'une seule collision entre deux étoiles à neutrons peuvent générer entre 3 et 13 fois la masse de la Terre en or. Donc s'il faut faire des placements, c'est là qu'il faut les faire. Alors moi j'ai plusieurs, bon c'est un peu flou. J'ai plusieurs masses de Jupiter. Oui. Bon c'est pas terrible, c'est pas hyper précis. c'est plus que un. Bon alors faut peut-être rappeler à quoi ça ressemble une collision d'étoiles à neutrons. Allez-y, on vous écoute. Donc il faut imaginer deux grosses boules de neutrons, chacune de la taille de Paris, hein, donc une vingtaine de kilomètres de diamètre, qui spirale l'une vers l'autre et qui se rapproche de plus en plus. Et puis elles finissent par entrer violemment en collision et par fusionner pour donner soit une plus grosse étoile à neutrons, soit un trou noir, selon la masse des deux objets. Et donc ces collisions, elles donnent lieu à des explosions absolument épiques, qu'on appelle des kilonovae. Et ces kilonovae, elles produisent entre autres des bouffées intenses de rayons gamma, donc on peut les voir avec des télescopes appropriés. Et lors de ces kilonovae, les débris de l'explosion, ils vont être éjectés dans l'espace interstellaire à des vitesses carrément folles, hein, de 30% de la vitesse de la lumière. Et ces débris vont s'entrechoquer avec la matière environnante. Et c'est comme ça que des éléments lourds comme l'or vont être créés. Et ces éléments vont être ensuite mélangés à la nébuleuse primordiale pour donner un système solaire comme le nôtre par la suite. Donc ces collisions, elles émettent entre autres des ondes gravitationnelles, hein, des vagues dans l'espace-temps qu'on peut voir depuis l'autre bout de l'univers. C'est celle qui a été détectée il y a 3-4 ans. Il y a alors en août 2017, la première qui dans ce contexte de détection. De fusion de deux étoiles à neutrons. Absolument. grâce à la collaboration LIGO et Virgo, et bon, ça a complètement révolutionné l'astrophysique parce que ça nous a donné des nouveaux yeux pour voir l'univers littéralement. Et donc voilà. Par contre, des collisions d'étoiles à neutrons, on n'en connaît pas énormément, hein. On les compte littéralement sur les doigts d'une main. On en connaît deux, on en a détecté deux jusqu'à présent. Et comme d'habitude, hein, plus on aura de données sur la lumière que ces collisions émettent, plus on aura une réponse claire et précise sur l'origine des éléments lourds du système solaire. Mais alors qu'est-ce qui permet de relier cet événement stellaire à la matière et aux matières plus lourdes, enfin plus lourdes que le fer qui sont dans notre système solaire? C'est juste une corrélation de date? Alors c'est une prédiction sur les abondances qu'on retrouve, qu'on mesure dans le système solaire. Alors comment est-ce qu'on mesure des abondances en éléments dans le système solaire? Eh bien on va se servir de la composition des plus anciens cailloux du système solaire. Ces plus anciens cailloux, ce sont des météorites qu'on appelle des chondrites. Et il se trouve que la composition de ces chondrites, elle est restée quasi inchangée depuis plus de 4,5 milliards d'années, donc depuis la formation du système solaire. Et comme certains de ces éléments lourds, ils sont radioactifs, comme l'uranium, on ne les observe pas directement dans ces météorites, mais on va observer les résultats de leur désintégration en éléments moins lourds. Par exemple, l'uranium-235, hein, que vous connaissez tous, a une demi-vie de 700 millions d'années, et il se désintègre en toute une série d'éléments de moins en moins lourds, jusqu'à arriver au plomb, qui lui est un élément stable. Et ce qu'on observe dans les chondrites, c'est donc du plomb. Mais comme on connaît la chaîne de transmutation, la chaîne de transformation, l'abondance en plomb nous permet de remonter à l'abondance en uranium. Et donc tout ça nous conduit à ce papier qui donc nous pour le moment reste une hypothèse. Alors ça reste une prédiction d'un modèle, hein, prédiction de simulation. Évidemment, il nous faut plus de données avant d'être beaucoup plus conclusif, mais disons que le consensus tend vers aller vers en tout cas pour les éléments comme l'or et le platine, pour ces éléments plus lourds que le fer et notamment certains éléments qu'on appelle les actinides, donc tout ce qui est entre l'élément 89 et 103 sur le tableau périodique des éléments. C'est des éléments très radioactifs. Et donc etc. Ces éléments-là, on pense très fortement qu'ils sont générés par des collisions d'étoiles à neutrons. Ce qui signifie que si vous avez une dent en or, concrètement, tout à fait. Cet or-là vient de, il y a 4,7 milliards d'années, de la fusion de deux étoiles à neutrons. Exactement. Donc si vous offrez un bijou en or à votre conjoint, il faut lui dire ça. Ça ajoute au romantisme de la scène. Oui, l'or, c'est un peu surfait. Et l'argent, alors, dans tout ça. Bref, merci beaucoup, Sébastien. On arrive à la fin de cette émission. Peut-être un petit tour de table rapide de s'il y avait d'autres actualités que vous aviez vues, Caroline. Oui, ce mois-ci, on fête les 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci. Voilà, il y a pas mal de choses à voir. On a fait une petite sélection dans Sciences et Vie. Il y a, par exemple, une exposition à Bourges sur le musée des machines. C'est hyper intéressant. Et une super émission de la méthode scientifique jeudi dernier, dont on va vous remettre le lien. On a parlé de Léonard de Vinci. Savant scientifique, était-il un artiste, était-il un savant? Lequel des deux? Eh bien, il faut écouter l'émission pour avoir la réponse. Sébastien. Alors, personnellement, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la confirmation de la première découverte de l'histoire d'une exolune, une lune d'exoplanète. Il se trouve que le télescope spatial Kepler, il a détecté des variations de luminosité un peu bizarres autour d'une étoile à 8000 années-lumière d'ici. Et ces variations, elles correspondent au signal d'une exolune. Alors, on n'est pas sûr pour l'instant, mais on sera probablement sûr le 25 mai, date à laquelle on s'attend à la prochaine variation bizarre. Sylvain. Oui, ça a l'air passionnant, ça, mais je voulais juste... Mais moi, j'ai mieux. J'ai complètement différent, en fait. C'est juste pour signaler un article qu'on publie aussi dans le magazine de la recherche. Donc, il y a un sujet complètement différent. C'est Pierre Tallet, l'archéologue, qui nous raconte la découverte des papyrus de Khéops et qui livre vraiment un récit inédit de la construction de la fameuse pyramide en question. C'est-à-dire dans le magazine de la recherche, la une de la recherche, la seconde révolution quantique, avec un aspect qui sera ici à ce micro mardi, la une de Science et Vie, Caroline, au-delà du quantique, du quantique partout. Sébastien, qu'est-ce qu'il y a de quantique sur le Sense of Wonder? Pas encore de choses quantiques, par contre, dans la semaine prochaine, on aura la sortie du prochain épisode qui aura pour terme l'émergence de la vie dans l'univers. Et qu'on relaiera sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les trois. Un mot pour vous dire que ce week-end, si vous ne savez pas encore quoi faire, eh bien, ça tombe bien si vous êtes à Paris, en région parisienne, ou si vous êtes de passage, c'est le festival Imagine qui est un festival en coproduction entre France Culture et le Centre Pompidou. Il y a plein de choses, des masterclass, des marathons radio de 14h à 18h, des performances. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Et pour ce qui nous concerne, je conclurai ce week-end dimanche de 16h à 18h avec la camarade Mathilde Serrel. On parlera du retour au sauvage, de la fin de l'histoire, de science-fiction, de projection. Ça va être passionnant. Venez donc à Beaubourg et au Centre Pompidou ce week-end. Ça va être un chouette week-end de radio et de culture et d'idées. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Dominique Juliette Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Baptiste Léger, Mathieu Lefrançois, Olivier Bétard à la réalisation. À la technique, c'était Alice Seyed. Je vous dis rapidement, allez, dans les prochains épisodes de La Méthode Scientifique, lundi on parlera des extrémophiles, mardi de l'intrication quantique avec Alain Aspect, mercredi de l'hyperloop, jeudi de l'idiocratie et vendredi fiction, on parlera de la planète Mars dans la science-fiction. Dimanche, on se retrouve à Beaubourg et lundi à l'antenne à 16h jusqu'à preuve du concert.